L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La collaboration Alpha au CERN vient pour la première fois de mesurer le spectre électromagnétique d'absorption d'atomes d'antihydrogène, composés d'un antiproton et d'un positron. Cette expérience ouvre une nouvelle ère dans l'étude à haute précision de l'antimatière. Le but de cette expérience est de comparer la transition observée dans l'antihydrogène à celle communément observée dans l'hydrogène, pour savoir si les deux types de matière obéissent aux mêmes lois physiques. L'enjeu est de taille, car la détection d'une différence, aussi petite soit-elle, peut ébranler les principes fondamentaux de la physique et pourrait permettre de comprendre l'asymétrie qui existe entre matière et antimatière dans l'univers. La spectroscopie, qui permet de sonder les états d'énergie des atomes, plus exactement les états d'énergie des électrons liés au noyau, est un outil puissant pour caractériser les atomes et les molécules. Le spectre de l'hydrogène, qui est l'élément le plus simple, comportant un seul électron, a été mesuré avec une très grande précision depuis presque 2 siècles. Pour faire la même chose sur des atomes d'antihydrogène, le challenge est de pouvoir fabriquer de tels antiatomes. Car si on sait assez facilement fabriquer et conserver des positrons, qu'on appelle aussi des antiélectrons, et des antiprotons, la difficulté est de les faire se rencontrer et ensuite s'apprivoiser pour former de vrais antiatomes et enfin les conserver suffisamment longtemps pour les étudier. C'est à cette tâche ardue que se sont attaqués les physiciens de l'expérience Alpha installée au CERN. Les physiciens mélangent des bouffées de plasma contenant 90 000 antiprotons produits par le Antiproton Decelerator du CERN et 1,6 million de positrons. Ils parviennent à produire environ 25 000 atomes d'antihydrogène à chaque décharge, qu'ils doivent ensuite conserver dans le vide sous peine de les voir s'annihiler avec la matière environnante. Les atomes d'antihydrogène sont électriquement neutres, mais possèdent un léger moment magnétique, comme leurs cousins normaux, entre guillemets. Grâce à cette caractéristique, les physiciens parviennent, avec des champs magnétiques particuliers, à en ralentir et à en conserver quelques-uns durant quelques centaines de secondes, le temps de les illuminer avec des faisceaux laser réglés sur une longueur d'onde très précise correspondant à la transition attendue, celle de l'hydrogène, 243 nanomètres. C'est une lumière UV. La transition observée et la transition nommée 1s2s. Or, l'état 2s dans l'hydrogène atomique a une durée de vie assez longue, plus de 100 millisecondes, ce qui permet des mesures précises. Le résultat que publient les chercheurs de Alpha dans Nature en ligne cette semaine est le suivant. La fréquence de la transition observée dans l'antihydrogène est identique à celle mesurée dans l'hydrogène, avec une précision de quelques 10 puissance moins 10, alors que celle mesurée dans l'hydrogène atteint une précision de 10 puissance moins 15. Le modèle standard des particules est donc à nouveau conforté avec une absence de violation de la symétrie CPT. Et la symétrie matière-antimatière de l'univers reste donc mystérieuse. Bon, l'inverse aurait sans doute fait un peu plus de bruit. La collaboration Alpha va maintenant tenter d'améliorer encore la précision de ces mesures pour affermir toujours plus ce résultat unique au monde. L'article de la collaboration Alpha, donc de Hamadi et ses collaborateurs, est paru dans Nature en ligne le 19 décembre 2016. Son titre est le suivant: Observation of the 1s2s transition in trapped antihydrogen.